l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Suivez des yeux l'étoile du berger.